Maladie bleue plus longue d'attaque. Ouais, là tu peux aller lui prendre un coup. Tu peux manger mon cheval. Ah non, mais oui. Ah ben oui. Surtout pas bouger ça. Il faut pousser le pion. Tu l'as. Pour poser les chances tout de suite. Oh, ouais. Jouer à ton cavalier pour défendre le pion. Il prend le pion. Hein, lui. Mais attends, il faut bien réfléchir. Ouais, ouais, joue ça. Ouais, ton cavalier. Non, sur blanc là-bas. Sur blanc. Là, à côté, là, pour défendre le pion. Ouais, c'est le seul coup. Obligé d'éliminer un pion. Attends.